Olga se sentait pâteuse en ce petit matin livide. Elle venait de se résoudre à l'effacement de Brug, et bizarrement, alors que sa tête lui disait que c'était la solution à toutes les tensions, son cœur lui susurrait qu'elle faisait fausse route. Léandry en était à ses derniers jours. Melchior et Serena étaient trop occupés à consommer leurs désirs. Les autres avaient toujours été neutres. Les deux seuls troubles venaient de Nils et de Brug, et Olga, parce qu'elle aimait trop le premier, n'éprouvait aucune pitié pour le second. Elle avait bu une quantité importante de café, mais la clarté dans son esprit se faisait aussi lentement que l'aube qui luttait péniblement au dehors. Effacer Brug, mais comment? Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas organisé d'effacement. Qui se chargerait de la besogne? Cette petite garce d'Anna? Non. Olga ne l'aimait guère, mais ce n'était pas une affaire de femme. Non. Hans? Melchior? Elle retourna l'idée dans tous les sens. Melchior était jaloux de Brug, cela crevait les yeux. Et puis cela lui servirait d'avertissement. Cela éprouverait son obéissance. Après tout, sa mère avait été dissidente et on n'est jamais trop méfiant. Un peu apaisée, comme après la résolution d'un problème mathématique particulièrement ardu, elle rédigea son ordre pour Melchior. Dans deux nuits, vers 23h30, vous vous rendrez chez Brug. Il sera seul dans la maison. Vous ne rencontrerez pas son père. Vous le tuerez, de la manière qui vous siera le mieux. Puis vous transporterez son corps au bord de la falaise et vous le jetterez à la mer. Vous effacerez toute trace de votre passage et toute trace de lutte. Votre propre effacement en cas de désobéissance serait immédiat. Un peu grisée par son pouvoir dont elle ne se rappelait plus l'étendue, elle retourna se coucher. Dans le couloir, elle fut surprise par la silhouette menaçante de Nils, adossée à une colonne. Elle lâcha un cri de frayeur et il éclata de rire. « Pour la dernière fois, Nils, ne me mets pas à bout !» dit-elle d'un ton glacial. Leurs regards bleus d'acier, un instant, se croisèrent, puis ils désertèrent le couloir comme on rentre en coulisses. Le lendemain matin, Melchior prit connaissance de son nouvel ordre et ne put réprimer un rire nerveux. De messages, de menaces de mort, de meurtre en deux jours. Le destin avait donc décidé de faire de lui un assassin patenté. Il eut un frisson et s'arrêta de rire. Était-ce le destin, vraiment? Non, il était trop honnête pour jouer la victime. Il ne tomberait pas dans cet écueil, il assumerait ses actes. C'était lui, et personne d'autre, qui choisissait d'obéir. C'était lui qui avait toujours été trop zélé, et qui s'était fait distinguer pour ses basses œuvres. C'était lui qui avait joué au plus fin, lui qui était seul responsable de tout ceci. Et pire encore, puisqu'il devait aller jusqu'au fond des choses, n'en était-il pas satisfait? Enfin, la monotonie se rompait. Enfin, une voie se dessinait. Un escalier s'ouvrait qu'il pouvait gravir, qui le mènerait toujours plus haut, qui le ferait accéder à toujours plus de connaissances. Il serait prudent, il serait intelligent, il tuerait sans scrupule et sans remords. Brug serait probablement aviné, et Melchior pensait pouvoir le dominer au corps à corps, mais c'était bruyant et dangereux. Quelle arme utiliser? Le couteau était la plus simple, mais cela ferait du sang. Il n'en emmènerait un, néanmoins. D'ailleurs, il en porterait dorénavant toujours un sur lui. Il se concentra en tentant d'imaginer la scène. Brug affalé dans le bureau de son père, la carafe de whisky à moitié vide devant lui. Il y aurait sûrement un objet contondant, un presse-papier, une statue. Mais cela demandait de l'expérience, et Melchior s'imagina empêtré dans des détails pratiques imprévus. C'était trop dangereux. Alors il lui vint une idée. Il se leva, sortit en sifflotant de sa chambre, et se dirigea vers l'armoire à pharmacie où il entreposait les neuroleptiques d'Albe. Il en prit trois boîtes, les glissa dans sa poche, et referma l'armoire très calmement. Tu es malade? C'était Anna, ébouriffée, à peine vêtue d'une chemise blanche, les pieds nus. Veux-tu un rapport médical complet? Demanda Melchior en feignant d'être piqué. C'est un problème d'origine digestive, si ça t'intéresse. Anna bâilla et soupira. Ça va, Melchior, entre les griffes. La curiosité est un vilain défaut, petite sœur. Tandis qu'elle s'étirait, il songea qu'il faudrait à l'avenir la tenir à distance. Elle était trop fine et trop curieuse, elle le connaissait trop bien, pour continuer à vivre sous son toit. Il ne pourrait désormais habiter qu'avec des personnes d'une intelligence inférieure. « Où en es-tu avec Brug ?»« Je pense que j'en ai fini. »« Vous avez rompu ?»« Pas officiellement. »« Très bien, » dit Melchior. « Je m'en réjouis. »« Je n'ai jamais aimé ce garçon. » Anna allait répondre, mais elle se ravisa. Quelque chose lui déplaisait chez son frère ce matin. Mais elle ne savait pas quoi. Elle le regarda un moment pour essayer de définir l'origine du malaise. Cette Serena ne te vaut rien, Melchior. Tu es bizarre ces derniers jours. » Melchior sourit artificiellement et prit congé. Anna descendit l'escalier en songeant qu'il avait réussi à la mettre de très mauvaise humeur.